maman m'a dit d'arrêter. Mais j'ai préféré continuer. À part de pas le guéri. Résultat, je me suis fait péter. C'est vrai qu'on m'a fait des sous, c'est vrai qu'on m'a fait des sommes. Everyday on fait la messe, on veut s'écouler des tonnes. Dans ma clique, on juge pas. Chez nous, c'est haram. Comme un veste sur le corner, je pense à mettre ma banane. Moi j'ai une vengeance à prendre comme créateur de quoi gamer. J'ai perdu mes crampons toujours sur le terrain. Là pour l'instant je suis au sud et je dois finir à dégrader. Mon cas tu passes tous ces rappeurs à la con. Y'a pas qu'à la télé où faut tirer pour voir un marathon. Substance illicite vendue dans toute la France. Y'a que si on caillasse la bas qu'on pourra avoir un gueule qui danse. On va jamais changer pour une salope. Pas civilisé pour une carotte. Je suis un gars de mon conseil. Même si je pète le million, si je te pète, c'est vrai que t'as vu des sous.